0905 56 474. 50 cents par appel. La première. Il est 11h. Marie Bourguignon pour les informations. Bonjour à tous. Il porte le petit nom de Matthew, mais il pourrait devenir l'ouragan le plus puissant de l'Atlantique depuis Félix en 2007. L'ouragan Matthew s'approche à toute vitesse de Cuba, Hawaï et de la Jamaïque. Il vient de passer dans la catégorie la plus élevée des ouragans, classée 5 sur une échelle de 5. Des vents soufflant jusqu'à plus de 260 km/h sont attendus. Matthew devrait atteindre la Jamaïque la nuit prochaine. Le gouvernement est en état d'alerte élevé. Jusqu'à présent, l'ouragan a fait une victime sur la petite île de Saint-Vincent. Une crise interne au sein du Parti socialiste espagnol. Ses membres doivent se retrouver aujourd'hui à Madrid pour une réunion décisive. Ils pourraient décider de lever leur veto à un nouveau gouvernement du conservateur Mariano Rajoy. Cela fait 9 mois que le pays est paralysé. Depuis la fin décembre 2015, il n'a pas été possible de former un nouveau gouvernement. Médecins sans frontières dénonce un bain de sang dans la ville d'Alep en Syrie. Voilà qui fait suite à l'offensive menée par le régime syrien et son allié russe. En un an, les frappes ont tué plus de 3800 civils. Les discussions entre les États-Unis et la Russie sont au point mort. Washington menace d'arrêter sa coopération diplomatique. Moscou, de son côté, refuse de stopper l'offensive. On vient d'apprendre que le plus grand hôpital d'Alep Est aurait été frappé par des barils d'explosifs. On ne sera pas surpris de l'apprendre. Le mois de septembre a été très anormalement chaud chez nous. La température maximale moyenne s'est élevée à 22,4 degrés, soit 3 degrés de plus que les normales de saison. La quantité de précipitations mesurées est elle aussi très anormalement basse. C'est ce que révèle l'IRM. En football, suite de la 9e journée de Pro League ce soir, Charleroi se déplace chez le leader Zulte Waregem à 18h. À 20h, Eupen reçoit Mouk. Cron et Westerlo accueillent Westland Beveren. À 20h30, Lokeren affronte Courtrai. La 9e journée se terminera demain avec le classico standard Anderlecht. Et c'est la fin de ces infos. Très beau temps de midi. Toute l'info est sur rtbf.be. La première. Vous sentez? Une offre séduisante flotte dans l'air chez Planète Parfum. Jusqu'au 4 octobre, échangez un flacon vide contre 21% de remise sur un parfum au choix. Crefell. Les prix cadeaux, le service et la qualité Crefell, c'est... Crefell. Tous nos magasins sont ouverts ce dimanche. Crefell. Les meilleurs prix, service compris. Mieux on connaît le monde, mieux on s'exporte. Alors, en Inde, comme dans d'autres pays, on vous dira jamais non de façon directe, même dans le business. On vous dira oui, oui, oui, mais... Vous comprenez? Oui? Non, vous voulez dire oui, oui ou oui, mais... Quoi? Avec Bruxelles Invest et Export, un monde de perspectives s'ouvre à vous. Conseils personnalisés, contacts sur tous les continents, missions économiques, aide financière. Découvrez une force d'action unique pour les entreprises bruxelloises sur bruxellesinvestexport.be. Bruxelles Invest et Export, créateur de perspectives. Elle est pas belle la vie? Chez Bricoplanet, c'est samedi 1er et lundi 3 octobre, moins 20% sur un article au choix. Plus d'infos sur planet.be. Bricoplanet, tout pour la maison. Etias, bonjour. Bonjour, je viens de rentrer dans le pare-choc d'une camionnette. Est-ce qu'il y a des blessés? Non, mais par contre, ma voiture ne roule plus. Ah, ne vous inquiétez pas, on vous envoie une dépanneuse, elle sera là dans moins de 30 minutes. 30 minutes? Mais c'est rapide, ça. Oui. Oh, mais c'est que la nana qui conduisait la camionnette, elle est pas mal du tout. Vous avez 30 minutes. Oh là là. Ce n'est pas pour rien si depuis 2 ans, l'assurance auto Etias est élue meilleure assurance RC auto par Decavi. Comparez votre assurance auto avec celle d'Etias et bénéficiez de 2 mois gratuits. Etias, les efficaces assureurs. Conditions sur etias.be. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de champagne Duval-le-Roi pur chardonnay achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, mais... Voulez-vous acheter mes post-it Cap 48? Baissez vos vitres pour Cap 48. À partir du 30 septembre, achetez les post-it Cap 48 au prix de 10 euros au profit des personnes handicapées. Cap 48, pour que le handicap ne soit plus un handicap. La solidarité nous fait tous avancer. CBC, décidez d'avancer. L'Opéra Royal de Wallonie présente Turandot, le chef-d'œuvre inachevé de Puccini. une mise en scène de José Coura pour une ouverture de saison grandiose à Liège. Du 23 septembre au 4 octobre. Info et tickets, opéraliège.be. Avec la première, la 3 et la Fédération Wallonie et Bruxelles. Hier, c'était de nouveau. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ah bah Victor a encore grandi, j'ai plus aucun vêtement à sa taille. Ah, j'ai une solution pour ça. Quoi, lui donner moins à manger? Mais non, va faire du shopping chez CA. En ce moment, il y a 20% de réduction. Maintenant chez CA, 20% de réduction sur la collection enfant. De la qualité à un prix avantageux. CA. La première, 11h midi, le samedi, bientôt à table, avec Sophie Mouls. Bonjour à tous, bienvenue à notre table du samedi, au programme du jour de la gourmandise, du goût, des savoir-faire, de bons produits, pour une assiette plus que jamais savoureuse. Bonjour Carlo. Bonjour Sophie. Au programme du jour, rencontre avec un artisan boulanger formidable. Et ne vous y trompez pas, ce ne sont pas ces 4000 employés qui changeront quoi que ce soit à sa vision du métier, son credo, la réhabilitation d'une boulangerie de qualité. Je vous laisse nous présenter notre invité. Carlo. Eh bien, c'est un boulanger à succès puisqu'il a ouvert plus de 160 boulangeries. C'est Eric Kaiser qui nous arrive de Paris, mais il vient d'ouvrir depuis quelques mois une première boutique en Belgique et il espère bien conquérir aussi le cœur des Belges avec sa boutique où l'on produit du pain, évidemment. Bonjour Eric. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Un boulanger, vous nous l'expliquerez, parti de Lure en Haute-Saône et qui est parti à la conquête du monde. Vous nous ferez découvrir votre vision du bon pain en 2016. Tout autre chose ensuite, Carlo. Depuis quelques années, de nombreux domaines viticoles s'associent à de grands noms de l'architecture pour repenser leurs chais. Jean Nouvel, Mario Motta, Philippe Stark, célèbre designer, associent désormais leur nom à ces édifices. Nous rencontrerons aujourd'hui un homme qui leur a dédié un ouvrage sublime, Philippe Chais, ça ne s'invente pas, l'ouvrage Wine by Design. Il nous emmènera pour une très très jolie balade œnologique entre culture et épicurisme. Vos questions, vos réactions sont bien évidemment attendues via le site lapremière.be ou via notre page Facebook. La première, bientôt à table. Bientôt à table sur la première. Le pain, du vrai pain, du pain quoi, Carlo? Je vous écoute. Ben c'est parti, hein, Sophie. Vous êtes prête à recevoir encore du courrier, hein, parce qu'on va encore parler d'un produit qui en prend plein la gueule, le pain, le pain. Et pourtant, moi, j'en veux du pain, des jeux. Enfin, ça, c'est autre chose. À ma gauche, vous avez les hystériques du gluten, les énervés contre les hydrates de carbone, ceux qui n'arrêtent pas de nous dire que si nous sommes ballonnés, fatigués, sans énergie, c'est à cause du pain et des pâtes, ces tristes cires, ne se rendant même pas compte qu'ils ne font que repasser les plats de divers courants historiques dont le sinistre est parfois fasciste de futurisme italien des années 30 qui voyait dans tout ce qui est à base de farine l'archétype d'un modèle qui poussait vers la paresse. Oui, tous les tenants de la cuisine énergisante qui nous prédisent une mort certaine, mais je me suis déjà occupé d'eux il y a deux semaines quand on a causé détox. On s'en souvient encore. À ma droite, l'autre ennemi du pain, c'est le pain lui-même, ou plutôt les sinistres avatars que l'on nous vend pour être du pain. Le pain de ménagère blanc, vendu souvent déjà tranché. Le temps que tu passes à la caisse, il est déjà sec. Et pourtant, ma fille Elena continue à réclamer cette horreur pour ses tartines à la pâte à tartiner à l'huile de palme. Ma chérie, fais attention. Si ça continue, je vais te déshérité et j'arrêterai de t'emmener au tennis, à la gym, même à des anniversaires foireux à 50 km du domicile. Et pire encore, Sophie. Non. Si, il y a les faux pains qui jouent au vrai pain. Oh, ces miches ridicules, décorées de graines diverses, qui ne font rien d'autre que d'aller se coller dans tes dents creuses. Ou pire, entre deux dents. Il te faut 1 km de fil dentaire pour en venir à bout. Comme si ça suffisait de foutre des graines dans le pain pour qu'il soit bon. Mais mettez-moi ça au rayon de la bouffe pour les autres. Bravo, oiseaux. Carlo. Et pire encore, il y a ces pains de mie qui, eux, devraient se trouver au même rayon que les éponges à récurer l'évier, le côté rugueux en moins. Mais oui, ces trucs qui ne devraient servir que dans des cas tout à fait spécifiques. Mmh. Voyage dans l'espace, traversée de l'Atlantique, ces trucs qui n'existaient dans le temps que dans une seule version. Ça existait déjà, la version dépannage, blanc, avec une croûte autour. Eh bien maintenant, ces pains de mie, tristes pains de mie, ça existe en plein de versions, comme si ça avait un intérêt de choisir entre la gastro et l'entérite, entre caribe et scylla, entre prostatite et occlusion intestinale, entre AB3 et AB4. Oui, ces pains de mie existent en blanc, en gris brioché, ils existent sans croûte. C'est vrai que les pains de mie avec croûte, on se casse les dents. Hein. Ben oui. Et il y a plein de promesses sur ces pains de mie, des promesses du genre sans additifs. Enfin... sans additifs en plus, hein. Dingue ça, parce qu'en fait il y a de la farine dans ces pains et la farine, bah, il y a beaucoup de chances pour qu'il y ait des additifs dedans, on n'est juste pas obligé de le mettre sur l'étiquette. C'est ça. Il y a aussi une autre promesse, tu sais quoi? sans huile de palme. Tu te rends compte, Sophie ? Ces gens ont réussi à faire du pain sans huile de palme. Il y a des manchots qui vont regretter de ne pas pouvoir applaudir. Allez, Sophie, aujourd'hui, on est là. Je pense que notre invité est là, en tout cas, pour parler de bon pain, de belles miches, de baguettes bien tendues. Rah, lovely, vive le pain. Ah ben, je vais faire réagir notre spécialiste, notre artisan boulanger, Eric Kayser. Non, je trouve que Carlo est vraiment inspiré. Hein, bravo, ouais, ouais, félicitations. Ouais. Non, mais c'est vrai, entre ces pains genre éponge à récurer et les faux pains avec ses graines, etc. Vous voyez comment cet univers du pain aujourd'hui en 2016 ? Dans le billet de Carlo, c'est vrai qu'en s'amusant, il raconte toute l'histoire de la boulangerie française et internationale. On a fait du très très beau pain. Puis on est parti dans du pain qui était très mauvais parce qu'on a voulu le faire rapidement avec beaucoup de levure, des additifs, des prêts à l'emploi. Oui. Mmh. Et aujourd'hui, on est revenu à une boulangerie beaucoup plus traditionnelle, en tout cas pour certains. Dont vous faites partie. Nous, on s'appelle artisan boulanger. Ça veut dire qu'on pétrit et qu'on cuit sur place. Pétrir et cuire, hein, parce qu'on pourrait acheter de la pâte et la cuire. Mais là, on pétrit et on cuit sur place. Et surtout, on travaille tous nos pains à base de levain naturel. Donc, très longue fermentation. Une culture de levure naturelle préexistante dans l'air. On va s'arranger pour multiplier les levures pour que ça puisse faire pousser le pain. Et puis le pain, on lui laisse beaucoup de temps pour fermenter. Et vous allez nous l'expliquer, faire du bon pain, ça nécessite du temps, beaucoup de patience, beaucoup d'amour aussi. Beaucoup d'amour. Et puis c'est un choix des matières premières. Aujourd'hui, lorsqu'on voit la qualité des farines utilisées dans les pains industriels, et même par certains boulangers, de trop nombreux boulangers diront certains, on peut être très déçu parce qu'on a affaire souvent au même produit de base. Hein. C'est ça le problème. Vous avez raison, c'est un bon point. C'est que la farine, soit vous la prenez de très belle qualité boulangère pour pouvoir faire quelque chose de beau, mais ça veut dire qu'il va falloir laisser fermenter très longtemps le pain. Ou alors, vous prenez une farine, on va dire industrialisée, où on a mis tous les additifs pour que ça puisse fermenter très vite. Souvent, voilà, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau et attendre, quoi. Voilà. Ça fonctionne. Et de la levure. Oui, dans certains moments, il y a même la levure dedans, oui, donc comme ça, c'est plus rapide. Mais donc, ces minoteries industrielles, pour vous, elles ont dénaturé le métier Non, la minoterie, je crois qu'il y a deux types de clientèle partout dans le monde. Il y a des gens qui ne font pas attention à ce qu'ils mangent, donc ils peuvent manger n'importe quoi du moment que ce soit pas cher. Donc on leur en donne pour leur argent, puis il y en a d'autres qui font attention. La réalité, c'est ça, c'est que les gens, le pain, ils peuvent se l'offrir, tout le monde peut se l'offrir, parce qu'une baguette vaut 1 euro, 1,10 euro, 1,20 euro, vous voyez, on a tous ces moyens de mettre un tout petit peu plus pour acheter un pain de qualité, mais il faut avoir cette envie de le faire. Il faut avoir envie de manger une baguette croustillante, il faut avoir envie de... Faites-la croustiller, voilà. Là, en dessous du micro. Oui, elle croustille. Elle est belle. Oh, et puis surtout, magnifique. Il faut apprendre aux gens à mettre le nez dans le pain ou le pain dans le sentir. Nez, comme vous voulez. Ouais. Et vous savez, quand vous appuyez sur le pain, vous avez plus de 200 arômes différents dans une belle baguette qui viennent surtout de la fermentation et de la caramélisation. Hein. C'est la réaction de Maillard. Donc le pain devient caramel. Et là, vous avez tous les arômes qui se développent. Donc si on apprend, vous parliez tout à l'heure des chais, du vin, c'est la même chose. En vrai, il faut apprendre à sentir le pain. 200 arômes, c'est beaucoup hein, dans une petite baguette. Donc il faut laisser le temps à la fermentation d'agir. Alors, Sophie, on peut peut-être pas se débarrasser, mais une question qui, évidemment, vous a déjà été posée par 200 journalistes avant nous, c'est qu'est-ce qui fait, quand on est un artisan passionné comme vous, qu'est-ce qui vous pousse à un certain moment à ouvrir plusieurs boulangeries, à vous compliquer la vie, puisque les autres chaînes, on va les appeler comme ça, de boulangeries, ne pratiquent pas, sont la plupart du temps, ce qu'on appelle des dépôts de pain. Donc vous vous lancez dans la multiplication, non pas des pains, mais des boulangeries, avec cette complication de faire un artisanat à chaque boulangerie. Alors là, les questions qui viennent, c'est qu'est-ce qui motive cette envie? Et deuxièmement, comment on fait pour maintenir la qualité, pour faire que le pain soit pas, peut-être pas pareil, mais soit bon partout. On peut peut-être juste signaler Eric Kayser aujourd'hui. Eric Kayser, boulangerie, c'est où dans le monde? Combien d'employés? Alors, on est dans 27 pays aujourd'hui, qui vont du Japon jusqu'en Amérique du Sud. Incroyable. C'est, je pense, au moins 5000 personnes qui travaillent pour l'entreprise. Justement, c'était l'idée de transmettre un goût de l'artisanat à travers le monde. Oui, j'avais envie et j'ai surtout j'ai deux passions. En vrai, c'est le pain et le voyage. Et j'avais envie de pouvoir continuer à parcourir le monde en faisant mon métier, en essayant de le faire le mieux possible. Et en essayant d'instruire ou de donner les moyens à des gens de pouvoir avoir un métier dans les mains. Et c'est vrai que quand vous allez en Afrique, vous donnez la possibilité à des jeunes de pouvoir travailler, de pouvoir aimer. Alors, c'est pas seulement les former, il faut aussi leur donner, je dis toujours, un esprit. Parce que ces jeunes, s'ils font juste un métier comme ça, ça fonctionne pas. Il faut qu'ils aient l'esprit, l'envie de faire du bon pain, respecter la matière première, respecter les clients. Et c'est ce que j'ai essayé de passer dans ma vie. Alors, j'ai été formateur sans le demander, puisque j'ai fait un apprentissage de boulangerie, puis les compagnons de Tour de France. Et ensuite, on m'a demandé de commencer à former les gens. Mais moi, je n'avais pas d'aspiration spécifique pour ça. Je n'en avais pas envie. Mais on m'a dit, on t'a donné, tu vas apprendre à former et puis tu vas te donner un peu de toi-même. Et pendant longtemps, je suis resté formateur. Et donc, quand j'ai ouvert mon premier magasin, j'ai toujours conservé ça en tête. Hein, je crois que la vie est assez bien faite. Vous voyez, on vous dirige là où vous devez aller. Et moi, j'avais les aspirations de pouvoir ouvrir des boulangeries dans le monde. On m'a poussé à être formateur. En vrai, j'ai appris à former. Mais le danger, ça aurait été de glisser vers une approche plus industrielle, en délaissant peut-être l'ADN, ben, ce qui vous mène. Et là, vous gardez cet esprit d'artisanat, le choix des farines, le travail des boulangers dans les ateliers. Ça, vous n'y dérogerez jamais. Non, je déroge pas. Et puis, j'ai envie de voir des jeunes qui ont cette passion, qui attrapent cette passion. Créer des vocations. Pouvoir bien faire, créer des vocations. Je crois que c'est quelque chose d'important aujourd'hui. La question quand même qui brûle l'élève de l'amateur de pain, c'est comment vous faites à garantir la qualité de l'Amérique latine au Japon en passant par l'Afrique? Comment être sûr que chaque pain badgé Eric Kayser soit à la hauteur des ambitions du Eric Kayser lui-même? Alors on va dire que globalement, on conserve la même qualité partout. Alors ça peut arriver qu'on se trompe, vous voyez, c'est de l'alchimie, la boulangerie, on parle de 4 ingrédients plus la passion, farine, eau, sel, levain plus la passion, et on forme quelque chose, on essaie de former quelque chose de beau. Alors on peut avoir des ratés, mais globalement on essaie d'avoir quelque chose de linéaire, et pour ça je me suis rendu compte très tôt que tout seul je ne pouvais pas faire grand chose. Donc il fallait que je forme des gens et que ces gens soient mes porte-parole. En vrai, nous, on a des boulangers qui m'ont dépassé, qui sont aussi bons ou meilleurs que moi parce qu'ils ont pris cette passion et ils savent transmettre. Et c'est ces gens-là qu'on va envoyer dans les différents pays du monde pour pouvoir former les gens. Donc quand on ouvre un pays, on ne le fait jamais sans envoyer un chef français. Alors en général, comment on fonctionne? On va ouvrir en Chine, on va recevoir les futurs chefs chinois en France pendant 6 mois chez nous ou 1 an. Et dans le même temps, quand on va ouvrir, les chefs chinois repartent en Chine, ils vont parler la même langue aux Chinois, mais on aura un chef français qui sera le gardien du temple. C'est ça, donc il y a vraiment, vraiment un vrai devoir de transmission. Ouais. C'est très important pour les nouvelles générations aussi, parce que c'est vrai que les anciens ont peut-être oublié ces gestes primitifs de la boulangerie, c'est-à-dire travailler, mettre les mains dans le pétrin, choisir des farines de qualité, tout ça, ça s'est malheureusement oublié, et vous contribuez justement à ce que ce soit maintenu. Je vous propose une toute petite pause musique, Carlo, Curtis Harding, Keep on Shining, et juste après nous parlerons de bon pain, tel qu'on l'aime. invité du jour ce matin, Carlo, le grand boulanger, le pape de la boulangerie, Eric Kayser, des magasins à travers le monde, de l'artisanat surtout à travers le monde. L'ambassadeur du pain de qualité, c'est souvent comme ça qu'on vous qualifie hein, dans le cénacle des spécialistes. Le bon pain s'est perdu ces dernières années avec l'industrialisation. Vous, votre credo, c'est de le faire vivre, ce bon pain. On parlait tout à l'heure des farines, on a eu pas mal de réactions via notamment notre page Facebook. C'est quoi pour vous une bonne farine? Parce que c'est ça la question, même si nous on veut faire du pain maison, comment savoir si on a affaire à une farine de qualité? C'est quoi les caractéristiques pour avoir une farine top? Déjà, quand vous allez acheter votre farine, vous essayez de trouver la farine la plus naturelle possible. Déjà, pour qu'elle soit naturelle, c'est compliqué. C'est-à-dire donc bio, c'est ça que vous voulez dire. Pas d'additifs, pas de conservateurs. Ouais. Alors, on peut être bio, on peut être en agriculture contrôlée, raisonnée, mais ouais. L'important, c'est d'éviter de prendre des farines, il y a eu trop de pesticides, insecticides, etc. Mmh. Agriculture raisonnée, ça fonctionne aussi. Ensuite, dans les farines, souvent, on met des additifs. On met de l'acide ascorbique pour renforcer le pouvoir de la rétention gazeuse, du gluten. Mmh. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Parce que tout ça va vous obliger à aller dans un schéma rapide de production. D'accord. Donc, le plus naturel possible. Dit rapide, dit pas de création de goût. Ouais, pas de création de goût. Vous pouvez pas en avoir. C'est comme avec les machines à pain. On me disait toujours, mais pourquoi les machines à pain, on peut pas faire du bon pain? Mais on peut pas faire du bon pain parce qu'on peut pas laisser fermenter. Donc, on va. Mais est-ce que tous ces additifs sont notés sur le paquet de farine? Oui, c'est ça la question. Obligatoire. Sur le paquet de farine, oui. C'est sur le pain industriel. C'est sur le pain. Voilà. En fait, juste une précision par rapport à ça, pour rebondir sur deux secondes sur le billet que j'ai fait tout à l'heure. Mais donc, le pain, lui, il doit mettre les ingrédients. Et donc, si l'ingrédient, il y a farine, levure, sel, eau, ben, c'est bon. En revanche, si vous achetez de la farine doit contenir tous les ingrédients. Petite subtilité qui montre que notre politique en matière d'étiquetage n'est pas encore tout à fait exactement. Parfaite. Exactement. Surtout, pardon Sophie, je vous interromps, mais il y a la problématique de la farine. Enfin, moi j'imagine qu'en tant que propriétaire, de coach de 150 boulangeries dans le monde, vous avez cette problématique qui vous saute aux yeux. Toute cette hystérie anti-gluten est notamment en ce moment gouvernée par le fait qu'il y a eu trop de gluten dans nos pains et que probablement c'est ça qui les a rendus un petit peu indigeste. Et donc, c'est important de bien répéter qu'une bonne farine qui fait un pain qui a du goût contient relativement peu de protéines, relativement peu de gluten. C'est bien juste. Oui, nous, on contient 10,5 à 10,8% de protéines. Très, très peu, en vrai. Mais moi, je ne suis pas non plus un anti... sans gluten, puisqu'on a une boulangerie où on fait du pain sans gluten, mais on s'adresse là aux gens qui sont vraiment cœliaques. Oh, c'est une maladie qui est une infâme saloperie et là, pour laquelle on ne peut pas absorber un seul atome de gluten. Mais Carlo, là, on a fait des levains spécifiques, nous, à base de sarrasin et à base délicieux. De pois chiche pour pouvoir faire du bon pain sans gluten. Bon. Bien sûr, le sarrasin qui n'est donc pas une céréale, mais qui ne contient pas de gluten. Oui, c'est une pseudo-céréale. Voilà, le sarrasin ne contient pas de gluten. Et qu'est-ce que c'est bon, le sarrasin? C'est bon, le sarrasin. Mais le problème, c'est que vous voyez des pains sans gluten. J'étais à une conférence aux États-Unis où ils en vendaient, mais c'est une usine qui faisait donc la conférence, et ils vendaient des tonnes de sans gluten. Mais quand j'ai regardé sur leur sachet, mais il n'y avait que des produits chimiques dedans, et de l'huile de palme et du machin, et du truc. J'ai dit, mais comment vous pouvez manger ça? Le sans gluten, il est bon s'il est naturel, sans rien, vous voyez? Avec une nouvelle fois la même chose, vous savez, du sel, on va mettre notre levain, on va mettre notre sarrasin, on va mettre de l'eau et on va faire quelque chose de bien. Mmh. Alors le seul truc, c'est que c'est sans gluten, donc vous ne pouvez pas le travailler à la main. Vous le travaillez avec une louche, alors vous laissez fermenter, après vous prenez une louche, comme une pâte à crêpes à la limite à sarrasin, et vous allez mettre ça dans des moules, puis les cuire après. C'est une démarche un peu différente pour le boulanger. Alors pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, je rappelle que notre invité du jour n'est autre que le grand spécialiste des pains, Eric Kayser. Combien de boutiques à travers le monde, rappelez-moi? 160. 160 boutiques sur les différents continents. Est-ce que vous mettez encore la main à la pâte. Oui, parce que je m'occupe beaucoup de la recherche chez nous. Ouais. En vrai, ce qui me passionne, vous savez, au bout d'un moment, quand vous avez une entreprise assez conséquente, vous avez la liberté et la possibilité de choisir ce que vous aimez faire. Et moi, j'essaie de continuer à faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire faire de la recherche et puis faire beaucoup d'enseignements et de conférences autour du pain parce que c'est important. On a énormément de questions qui nous parviennent chaque semaine. Finalement, c'est quoi le secret d'un bon pain? D'abord, les ingrédients indispensables et le petit tour de main que vous dispensez à travers ce c'est un gros tour de main, j'allais dire, parce que apprendre à faire des belles boules ou à façonner un pain comme il faut, ça prend beaucoup de temps. Mais en vrai, j'ai donné des classes, par exemple, à Paris, au mois de juillet, il y a eu les formations pour les personnes en retraite. Et j'ai donné ma première classe, c'était moi le premier qui donnait un cours pour les retraités. Et je leur ai fait pétrir de la pâte à pain dans une salle de la mairie. On a tapissé jusqu'au plafond, mais c'était sympa, les gens se marraient. Et en vrai, je leur ai montré comment on pétrissait la pâte. Ils ont pétri eux-mêmes. Et puis, je leur ai dit qu'on servait la pâte au réfrigérateur jusqu'au lendemain matin. Donc, mm-hmm. ils ont mis un plastique. Quand leur pâte était terminée, ils l'ont conservée le lendemain. Et le lendemain, donc, je leur ai fait voir. Vous coupez la pâte, vous la façonnez. Alors, ils n'avaient pas, la technique, mais ce n'est pas grave. Et vous mettez dans votre four à tant de degrés. Mais juste parce que la pâte avait été pétrie avec une bonne matière première et qu'on avait laissé fermenter, ils ont pu obtenir un résultat intéressant. Je vous dis ça parce que je suis retourné il y a 3 semaines à la mairie et j'ai revu des personnes qui avaient cuit leur pain, qui faisaient super. Mais donc, si vous voulez nous dire, donc, choix des matières premières, farine de qualité. Oui, longue fermentation. Mmh. Voilà. Donc, ça veut dire... Peu de levain ou peu de levure. Voilà. Enfin, du levain, mais peu de levure. Mmh. Et vous pouvez laisser fermenter longtemps votre pâte au réfrigérateur. Oui. Par exemple, vous pouvez la pétrir. L'idéal, c'est pétrir la veille. Vous la laissez toute la nuit au réfrigérateur. Le lendemain matin, vous la sortez. Vous découpez cette pâte, vous allez vous amuser à la façonner soit en boule, soit en bâtard, enfin vous voyez comme vous pouvez le faire, vous laissez fermenter à nouveau pendant 1 heure ou 2, et après vous mettez ça dans le four. Et quand vous la laissez refermenter, vous la mettez à température ambiante? Température ambiante, oui. Ou même à 30 degrés au four Ouais, c'est compliqué parce qu'entre 30 et 35, vous voyez, on peut coaguler le gluten. Donc l'idéal, c'est de laisser à température. D'accord. La seule chose à se rappeler, c'est qu'il faut toujours mouiller son pain avant de le mettre dans le four, donc avec un pinceau et un peu d'eau, même à la main. Hein. Et puis, nous, on dit qu'on signe le pain, c'est-à-dire qu'avec un couteau. La grigne. La grigne. Légèrement le pain, c'est en vrai pour donner la direction au gaz quand ils vont s'échapper. Voilà. D'accord. Donc, ou avec un petit cutter. Hein, couteaux, là, j'ai essayé à dents, à petites dents, là, qui sont neufs, ça marche très, très bien. Donc, on va essayer de reprendre les choses depuis le départ, parce qu'on n'est pas tous des experts du pain. Farine de qualité, une levure, farine naturelle. Ou du levain. Vous travaillez les pains au levain, tous ou pas? Levain naturel, oui, oui. Oui. Et on en trouve partout maintenant des levains sous forme de poudre, déshydraté. Et ça se vaut aussi, ces levains en poudre? Oui, ils sont bien. On va mettre évidemment sur le site lapremière.be une recette de levain. Vous travaillez avec du miel, farine, eau, et ça va nourrir ce levain. Et chaque atelier a son propre levain? Alors moi j'ai conçu à l'époque, en 1994, j'ai déposé un brevet sur des machines pour gérer les levains. En vrai, la difficulté, c'est qu'à l'époque, tous les boulangers travaillaient qu'à base de levain naturel puisqu'on n'avait pas de levure. 1850, les levureries industrielles sont apparues et les boulangers se sont mis à travailler beaucoup à la levure. Mmh. Donc, il a fallu reformer les gens à travailler avec du levain naturel. Mais en vrai, c'est pas très compliqué. Une fois que vous avez fait votre rafraîchi pendant 3 jours, farine et eau, farine et eau, farine et eau, vous allez laisser fermenter ça pendant 12 heures, après mettre ça au réfrigérateur. Et après, vous avez un levain tous les jours qui est prêt. Moi, je connais des gens qui font leur pain tous les jours. Enfin, on va pas conseiller ça aux auditeurs si on va plus vendre de pain dans un magasin. Mais vous voyez, c'est quelque chose. Donc, vous prenez un morceau, ce qu'on appelle dans la mer, et puis le reste, vous l'utilisez pour faire le pain du jour. Et le morceau, vous allez le garder au réfrigérateur pour le lendemain. Et vous pouvez le garder des années, votre levain. Nous, on a toujours le même levain. On donnera évidemment la recette pour faire un levain maison, c'est pas très compliqué, mais ça apporte quoi le levain concrètement par rapport à une levure? C'est lui qui fait pousser la pâte, mais d'une façon complètement naturelle, spontanée. Alors vous avez beaucoup plus d'acidité, bien sûr. Donc plus vous avez d'acidité, plus on va améliorer la conservation du pain. Mais on va lui donner également sa croustillance, ses arômes, on va tout lui donner avec le levain. D'accord. Avec la levure, on a tendance à supprimer ces étapes. Donc, farine de qualité, levure ou levain naturel, à faire soi-même, c'est de possible. L'eau. Ou un levain en poudre qu'on trouve aujourd'hui dans pas mal d'épiceries fines, bio, etc. L'eau, est-ce qu'il y a une... L'eau est une partie très importante du pain. Pour 1 kg de farine, on dit vous mettez 60 parts d'eau, c'est-à-dire 600 grammes d'eau. Alors 60%, nous on monte plutôt à 70-75%. Avec des pâtes très très mouillées. Mais c'est ça, mais le problème c'est que plus c'est mou, plus ça colle. Alors plus c'est compliqué, donc plus il faut être un peu expert. Mais ça peut aussi permettre de s'amuser, vous voyez. Oui, c'est ça. Donc voilà, de l'eau, il y a une eau minérale, il faut... Non, vous pouvez prendre l'eau du robinet, pas de souci. Le fait qu'il y ait du chlore dedans, éventuellement, c'est pas un souci. Tellement pas. Oui, c'est ça. Problème, c'est et du sel. Voilà. 2% de sel. Voilà, c'est très important. Il y a des pays où on a 1,5, hein. 15 grammes, alors en Belgique, je crois qu'on est à 18, non ? 17-18, je crois. 17-18, et nous, en France, on est encore à 2%, à 20 grammes. C'est pas évident, parce que quand vous dites, quand vous expliquez comment faire le pain et que vous montrez les 17 grammes de sel, les gens, ça leur fait peur. Mais en même temps, si le sel est un exhausteur, n'est pas évidemment seulement pour le goût, c'est un exhausteur de goût. Et c'est lui qui va vous conserver le pain. Hein. Oui. Donc, si vous en mettez, moins vous en mettez, moins le pain sera bon, faut être honnête. Donc, on va travailler ces 4 ingrédients. On va éviter que le sel n'entre en contact avec la levure, toujours important. Vous avez une grande connaissance, bravo. Ah oui, mais c'est Carlo qui m'a un jour expliqué ça. Vous êtes trop donc du coup, je réussis mes pains. Le conseil... Je vais remercier officiellement Eric Kayser. Vous avez rendu Sophie aimable. Ça fait 10 ans c'est bon. À ce moment. Donc le truc, Eric, c'est qu'on l'aura compris, une fois qu'on travaille cette pâte, il faut la laisser reposer une nuit d'abord. Le lendemain, on la retravaille. Deuxième temps de levage. Voilà. Et après, on va mettre ça dans un four à 240-250 degrés, ça correspond à thermostat 6. Mmh. Mouiller la pâte et la mettre dans le four pendant... Pour une baguette, il faut 20 minutes. Pour un bâtard qui fait à peu près 300 grammes, il faut une trentaine de minutes. Et on parle souvent du coup de vapeur, vous savez, de mettre un petit peu d'eau dès la mise au four. Vous ne le faites pas. C'est ce que je vous disais, hein, il faut les mouiller soit au pinceau, oui, mettre de l'eau, ou soit à la main. Si vous avez de la vapeur dans le four, c'est encore mieux. D'accord. Voilà. Et on laisse cuire ça plus ou moins combien de temps pour Entre 20 et 30 minutes. D'accord. Et on a un petit truc pour savoir si le pain est cuit. Normalement, on tape derrière. Ouais. Voyez, ça doit sonner sec. Mais alors, le problème des gens, c'est quand ils terminent leur quand ils sortent le pain du four, ouais. C'est là où il faut taper. Hein. Juste quand ils sortent du four, ils se brûlent les mains. Ah bah oui. Ça, l'astuce du boulanger, c'est qu'il y a l'habitude, il y a de la corne. Alors, on fait et on tape. Ça doit taper sec. Plus c'est sec, plus le pain est cuit. D'accord. Mais vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Et non, puis, on a compliqué. De merveilleux artisans qui travaillent aujourd'hui, en 2016, à faire partager cette passion. Et finalement, c'est un patrimoine qui est en train de se perdre, la bonne boulangerie. J'ai l'impression qu'il y a quelques personnalités comme vous qui tentaient de la remettre vraiment sur le devant de la scène. Mais je trouve que globalement, la boulangerie ne se porte pas très bien. C'est particulièrement vrai en Belgique où n'importe qui vend du pain peut se déclarer boulanger. Et ça, c'est quand même un gros souci. Ce n'est pas le cas en France, par exemple. En France, maintenant, c'est là. Mais voilà, vous avez aussi un label de farine de tradition, en etc. En France, on a un label de farine de tradition et on a ce qu'on appelle artisan boulanger. Les gens font très attention. Quand c'est marqué artisan, ça veut dire que tout le boulanger va pétrir et cuire sur place. C'est ça. Maintenant, je vais vous demander un petit exercice qu'on n'a jamais fait en radio. Sophie. Vous êtes venu avec évidemment pas mal de pain, puisque vous avez désormais une boutique en région bruxelloise. On mettra évidemment toutes les informations sur le site lapremière.be et sur notre page Facebook. Vous êtes venu avec du bon pain. On va faire une dégustation et vous allez un peu nous expliquer comment ça se déguste un bon pain. Qu'est-ce qui peut nous alerter sur sa qualité, nous indiquer voilà. Donc vous êtes venu là avec, on va essayer un pain de mie ou quoi, la baguette. Allez, la baguette. Parce que c'est le produit par excellence du boulanger. Visuellement d'abord. Alors, par exemple, visuellement, vous avez ici une baguette qu'on dit qu'elle atteint la caramélisation, c'est-à-dire que vous voyez, elle est pas blanche et marron clair, marron foncé, marron clair, marron foncé. Donc là, on est dans la bonne étape de la caramélisation. Très important. Si la baguette est blanche, souvent c'est du pain précuit qui a été mal fait avec beaucoup de levure, donc il n'atteint pas la caramélisation. Ensuite, vous allez appuyer sur la baguette et puis voir si elle est croustillante. Là, on l'entend, elle croustille, on dit qu'elle chante, la baguette. Là. Elle est jolie. Ouais. Donc ça, c'est phase numéro 2. Phase numéro 3, normalement, vous coupez un petit morceau et vous allez mettre ce pain vers le nez et puis appuyer dessus pour le sentir. Et normalement, je vous ai dit, plus de 200 arômes différents, vous devez avoir des arômes. Alors, vous avez ce qu'on appelle des ferments lactiques, base de lait, acétique, base de vinaigre et de vin. On va avoir des butyriques, du miel. Alors, en fonction des... Vous avez, vous, tous ces... Vous pouvez parvenir à décoder. Oui, mais pas 200, hein, mais non, 20, mais... 30, je peux retrouver, oui, incroyable. En fonction des qualités des farines. Alors, plus on va prendre des farines un peu bis, plus on va avoir des arômes qui vont être particuliers, différents. D'accord. Mais les arômes vont aussi venir de la qualité de notre levain et des farines utilisées pour ensemencer le levain. Donc, tout ça fait un tout, mais c'est ça tout l'entraînement. Ensuite, on va regarder le pain à l'intérieur. Vous voyez, dans une baguette, il faut qu'on ait une alvolation irrégulière. Gros trou, petit trou. Gros trou, petit trou. Vous voyez et ça, ça représente la fermentation du pain. Donc, si vous n'avez pas ces petits trous irréguliers et ces gros trous, c'est-à-dire que le pain n'a pas bien fermenté, pas bon. Et bon à savoir. Toutes les fermentations se font à basse température. Toutes les fermentations se font à basse température, parce qu'on fait pousser le pain une fois qu'il est façonné à 10-12 degrés. Très doucement. Et donc, ça veut dire qu'une baguette comme ceci, la pâte... Je ne parle pas une fois qu'elle est façonnée, mais la pâte elle-même, elle a été levée combien de temps ? Une dizaine d'heures, entre 10 et 12 heures. C'est ça. Et alors, la chose que je me demandais tout à l'heure, que vous avez parlé du fait que vous mettez beaucoup d'eau, c'est-à-dire que ça leur rend difficile à travailler, est-ce que malgré tout, elles doivent être travaillées à la main ou est-ce qu'on peut quand même les passer en machine pour les façonner ? Non, pour les diviser, les façonner, on les passe en machine, mais alors, la vraie qualité du boulanger, c'est de voir quand sa pâte est très très molle, plus elle est molle, plus il va laisser pointer, plus il va ce qu'on appelle rabattre pointer, la pâte. C'est-à-dire laisser monter. Lever. Ouais. Et on va la replier, vous voyez, rabattre la pâte pour lui donner de la force. En vrai, c'est ça le travail de la technique. Mais donc ce travail-là, ça veut dire que c'est pas uniquement laisser pointer tout seul, c'est regarder ce qui se passe, rabattre, dégazer, relaisser. Et c'est tout l'art d'un bon artisan boulanger, évidemment. Oui, hein. Oui. C'est ça. On ne s'improvise pas. C'est ça qui nous boulanger. Prend du temps, en vrai, à apprendre aux jeunes. Les jeunes, ils me disent, moi, je vais faire les cours en boulangerie, je vais apprendre en 6 mois, je dis, mais c'est bien, t'es plus intelligent que moi. Moi, il m'a fait 10 ans pour comprendre. Et encore, vous apprenez encore et aujourd'hui. J'apprends tous les jours. Mais pour en venir à cette analyse de notre baguette, donc une mie irrégulière, ça c'est déjà un bon indice pour une baguette de qualité. Et après, on peut l'ouvrir, regarder sa mie. C'est magnifique. Alors, On dit que la baguette doit jamais avoir une mie blanche, vous voyez, elle a ce qu'on appelle une mie crème. Mmh. Elle est un peu jaunâtre. Oui. Et ça aussi, ça veut dire qu'on a conservé ce qu'on appelle la pigmentation caroténoïde qui est contenue dans les farines de qualité. Donc elle reste crème. Si elle est blanche, ça veut dire que soit la farine n'était pas de bonne qualité, soit on a mis des additifs qui ont détruit sa pigmentation, ou soit on l'a trop pétrie. C'est pour ça qu'on dit toujours chez nous qu'on fait des pétrissages économes. Pétrit pas beaucoup, pas longtemps. Ah, il y a peu de pétrissage, ouais, mais un long temps de fermentation. Ouais. Voilà. Et alors, on a encore une chose, c'est que quand vous avez mis beaucoup d'eau dans la pâte, vous avez ce qu'on appelle une mie grasse, un peu translucide. Mmh. Et quand vous allez le mettre en bouche, ça vous fait un peu comme de la gomme, vous voyez. Oui. C'est ça qui fait la qualité aussi d'un bon pain. Mmh. Alors quand vous mettez du jambon et du beurre là-dedans, par exemple, c'est extraordinaire. Ouh là là, mais c'est vrai que, regardez, Carlo, faites-moi une dégustation, dites-moi là. Je ne mange rien aujourd'hui, il est au régime, on a l'impression. Non, c'est pas ça, mais c'est pas difficile de parler de la bouche pleine. Non, mais j'ai goûté avant l'émission. Alors, c'est effectivement, on a le côté croustillant et on a... Moi, ce que je goûte toujours dans le pain, ok, le croustillant, tout ça, c'est important, mais moi, j'aime le goût de la mie. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'aime les pains au levain, j'aime aussi les pains à la levure, mais j'aime d'avoir l'impression d'avoir un biscuit en bouche. Quand la mie est bonne, sans qu'elle soit sucrée pour autant, vous avez des goûts biscuités qui viennent, et c'est ça qui est pour moi le grand plaisir du goût. Mais Carlo, il est juste dans ce qu'il dit, en son appréciation, et sans connaître vraiment ce métier à fond, mais parce que le pain, un kilo de pain, c'est 500 grammes de ce qu'on appelle de glucides lents, la transformation des amidons, ça devient comme du sucre. C'est pas du sucre, ça devient le goût de, revient pareil, il a la parole juste. Et en fait, quand vous mâchez, il faut mâcher. Mmh. Parce qu'en effet, la salive va casser un petit peu les molécules d'amidon, ouais, et vous allez retrouver encore plus ce goût. Bon, moi je suis en mode chouquette. C'est bien aussi pareil, les chouquettes. Hein. Ah, vous avez les chouquettes, vous? Ah, moi je garde les chouquettes. D'accord. Voilà, en tous les cas, Eric Ezer, je voulais vous remercier pour ce petit cours magistral dédié à la vraie bonne boulangerie. Et vous êtes un parfait exemple de ce que la mondialisation n'est pas forcément incompatible avec... l'artisanat, parce qu'on a vraiment clairement affaire là à des artisans, hein, Carlo. Et voilà. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait une jolie conclusion aujourd'hui. Une boutique donc qui vient de s'ouvrir en région bruxelloise. Il y en a d'autres qui vont s'essaimer chez nous. Normalement, il y en a une autre qui va ouvrir en début d'année prochaine. Oh, mais c'est formidable. Voilà. Mais ce qu'on va essayer de faire, Carlo, c'est qu'on va mettre sur notre site internet quelques bonnes adresses et quelques bons tuyaux pour réaliser nos pains, pour trouver des bonnes baguettes, etc. Il y avait quelques recettes déjà, je pense, dans notre livre, Sophie, qui est toujours. Oui, le livre Bientôt à table. Et vous avez aussi commis pas mal de livres, hein, oui, me semble-t-il. Avec beaucoup, dont le Larousse du pain, qui a exactement été un beau succès. Voilà, qui est toujours en librairie. Oui. Je me semble avoir vu, il n'y a pas plus tard qu'il y a un petit mois d'ailleurs. Voilà, Eric Ezer, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Soyez forts, parce que c'est pas évident dans ce monde... dans ce monde industriel, de continuer à faire travailler ces artisans. Et vous revenez quand vous voulez, bien entendu, Bientôt à table. À suivre, Carlo, rencontre avec Philippe Chay, auteur de l'ouvrage Wine by Design. Il nous parlera de ces chais majestueux, imaginés par ces architectes un petit peu frappadingues, il faut bien le dire. Ce sera juste après la pub. Merci beaucoup, Eric Ezer. Merci. Merci. Événement La Première. La Première vous invite à intégrer son équipe de marcheurs dans le cadre du grand défi des 100 km pour Cap 48. Le dimanche 9 octobre, rejoignez l'équipe de La Première pour une promenade d'une vingtaine de kilomètres en région liégeoise. La Première compte sur vous. Inscrivez-vous sur le site lapremière.be. Nuit blanche. La nuit du 1er octobre, les artistes s'emparent du quartier européen à Bruxelles. Performance, projection, installation multimédia. Un événement incontournable et gratuit pour redécouvrir la ville. Parking de roues surveillé et bus de nuit gratuit. Info nuitblanche.brussels. Une initiative de la ville de Bruxelles avec le journal Le Soir et La Première. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse. La transparence. Moi, j'aime quand il n'y a pas trop de préparation parce que je rentre tard. Alors, notre pain de viande est parfait quand on a un rythme de vie très soutenu. Un petit... Ouh, oui, monsieur Marc. Car... C'est tout prêt. C'est vite fait. C'est tout frais. C'est bien vrai. Et voilà. Voilà, voilà. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, le pain de viande de 1 kg est à seulement 5,79€. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. La Première présente... Attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu jettes les feuilles des carottes? Non mais ça va pas. C'est parce que je pense... Allez hop, passe-les-moi. Je vais en faire une soupe de dingue. Tu vas voir. Vous aussi devenez acteur de la Good Food à Bruxelles en quelques gestes simples. Rendez-vous sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. Ah, bonjour madame, je vous attendais. Entrez, entrez. Non, merci, ça va. Comment ça, vous voulez pas visiter l'appartement? Ah non, moi je voudrais juste un peu de farine. Hein? Mais je suis votre voisine du premier. Ah ben merci, sympa. Un peu de sérieux. Pour vendre ou louer efficacement votre bien par vous-même ou via un professionnel, ImmoWeb est la solution. ImmoWeb, le site immobilier préféré des Belges. Christian Tetzlaff, star incontournable du violon, Christian Tetzlaff est à Liège dans Sibelius. Retrouvez-le le 6 octobre à la Salle Philharmonique de Liège avec deux philharmonies et Edo de Wart. Également au programme, la 5e symphonie de Nielsen. Info ticket 04 220 4x0 ou au prl.be avec la première. 11h midi, bientôt à table sur la première avec Sophie Mouns. Depuis quelques années, Carlo, le vignoble du Bordelais se dote de chais monumentaux. Les plus grands architectes associent désormais leur nom à ces édifices, ces antres du vin, des prouesses architecturales qui passionnent notre invité du jour que nous rejoignons à Paris, Philippe Chais. Ça ne s'invente pas. Bonjour. Bonjour. Dites, bonjour. Avec un nom comme ça, vous avez été bien inspiré que d'aller écumer ces chais. Alors, vous êtes l'auteur d'un magnifique ouvrage, un très très bel ouvrage. Wine by Design, publié chez Flammarion, l'architecture au service du vin. D'abord, j'ai envie de vous demander d'où vous vient cette passion pour les belles pierres. C'est une vieille histoire, un peu de formation, beaucoup de passion personnelle, de goût, de voyage, de découverte. Et puis, 6 ans à la Direction Générale de la Défense à Paris, le quartier de la Défense, qui est évidemment un merveilleux moment pour plonger dans l'histoire de l'architecture du XXe siècle. Puis donc, beaucoup de rencontres de tous les grands architectes français et quelques étrangers. Tout ça donne un contenu à un goût qui était déjà profond. Et puis le vin, c'est une autre histoire qui est en parallèle. J'ai présidé il y a quelques années un club de dégustation de vin en France et un grand plaisir individuel. Donc les deux passions ont fini un jour par se marier. Par se retrouver. Ce livre qui aura, j'espère, une suite. Bon, en tout cas, il m'a beaucoup plu. Il est déjà dans ma cave, je vous l'assure. Alors, vous êtes allé, Philippe Chais, à la découverte de ces chais d'un genre nouveau, conçu, imaginé par des architectes, des designers. Les premiers à s'être lancés dans cette course au toujours plus beau, c'est le château Lafite Rothschild, qui a fait appel en 1980 à l'architecte catalan Ricardo Bofill pour construire un chais magnifique. Racontez-nous d'abord, comment ça s'est passé, cette construction? Ça s'est passé parce que les propriétaires de Lafite Rothschild ont toujours eu le mariage de l'architecture, de la pierre. Et quand il a fallu qu'ils modernisent, il y a 30 ans maintenant, ils sont allés chercher Bofill parce qu'ils étaient très proches de Bofill, ils s'entendaient bien avec lui. Et Bofill a pris cette affaire comme un challenge parce qu'il n'avait jamais fait ça encore. Il en a fait d'autres après. Bien sûr. Il n'avait jamais fait ça encore. Et donc, ils ont inventé ce chais assez extraordinaire qui, à cette époque, n'était pas en extérieur, comme le seront plus tard ceux de Port-Jean-Parc ou ceux de Jean-Pierre. On en parlera. Mais restait encore à l'intérieur, un peu secret, avec ces accès assez extraordinaires en photo dans notre livre, et puis cette forme étrange, cette grand cercle avec des colonnes, un centre où on travaille, c'est tout à fait impressionnant. C'est resté en merveilleux état, ça fonctionne très très bien. Et aujourd'hui encore, c'est un lieu qu'on visite, c'est un lieu que tous les visiteurs apprécient, et c'est un lieu où se donne d'ailleurs chaque année un festival de musique de chambre. Lieu de culture. Ce qui, je trouve, est tout à fait extraordinaire, absolument. Exactement. Alors, Ricardo Bofill a donc ouvert le bal en 80 avec ce très beau chais du château Lafite Rothschild. Ça s'est un peu calmé. Puis dans les années 2000, là, c'est le boom des grands noms de l'architecture qui se sont associés à la construction de chais sublimissimes. Et je crois que là, on peut vraiment le dire. Je pense à Mario Motta au château Faugère, Norman Foster au château Margaux, et il y en a bien d'autres. On a quand même l'impression, Philippe Chais, qu'il y a là une véritable course à l'image pour ces grands crus. Alors, il faut peut-être rappeler que les Français ne sont pas les précurseurs en cette affaire. Hein. Les précurseurs, ce sont les Américains. Tout à fait. Qui, en Californie mais depuis très longtemps, parfois d'ailleurs mariés à des Français, ont voulu vraiment faire du marketing fort, marquer le paysage au sens le plus simple et le plus direct du terme, afin que l'œnotourisme puissent avoir des objets à voir. Et ça, c'est la Californie qui a fait ça en grand. Puis l'Espagne a enchaîné assez bien. Et puis la France est arrivée. incontestablement, on est dans la vocation de l'image, on est dans la vocation d'appeler, d'attirer, de motiver les touristes. On est dans la mondialisation aussi, dans la volonté de faire comprendre par ces grands objets qui maintenant sortent du sol, c'est-à-dire oui. sont posés pour être vus, montrer le luxe à la française, l'art à la française, marier ces productions agricoles tout à fait exceptionnelles que sont les grands vins, surtout à Bordeaux et surtout dans les grands crus de Bordeaux, avec des objets exceptionnels qui donc doivent être signés par des architectes exceptionnels. Ça fait, on est dans une vision ambitieuse et assumée de la communication mondialiste. Oui, c'est-à-dire qu'il concourt d'une renommée, ces chais, hein, parce que du coup, voyez-vous, on en parle même ce matin dans notre émission, donc c'est plutôt bien pensé tout ça. Justement. Non, et puis je pense que c'est un plaisir maintenant, non seulement de se promener dans le paysage somptueux du vignoble de Bordeaux, mais et de goûter, évidemment, de déguster les merveilleux crus, mais de regarder aussi et de réfléchir et de se laisser aller à contempler ces chais qui sont des œuvres d'art. Philippe Chais, justement, les œuvres d'art. On oui. sait, alors c'est peut-être un cliché, mais on sait que Bordeaux est quand même une terre relativement conservatrice, plutôt faite d'architecture néoclassique que de lignes tendues et de colonnes de Buren. Alors justement, comment cette architecture plus moderne, justement, plus audacieuse... Débridée, débridée, s'est imposée. Et finalement, qu'est-ce qui a convaincu des riches propriétaires bordelais d'oser le monumental moderne, un petit peu attractif. J'ai écouté avec intérêt que vous étiez à la Défense avant. Ben là, justement, on est dans l'architecture ultra moderne, très belle à mon sens. Et qui s'ouvre au public en plus. Voilà. Comment ça s'est passé ? Alors, je pense que il y a à peu près trois raisons qui se sont cristallisées pour amener ce phénomène. La première, c'est que les grands crus se sont trouvés depuis quelques années en face de problèmes techniques autour de la vinification, qui les a obligés, de toute façon, à refaire leurs chais ou à puissamment les transformer. Ces contraintes techniques, c'est la volonté de faire du gravitaire, c'est-à-dire de traiter la vendange du haut en bas entre le moment où elle arrive dans le chai et le moment où elle devient jus, et ne plus avoir à remonter les grumes avec des pompes comme on le faisait depuis très longtemps. La deuxième chose, c'est que de plus en plus, pour atteindre la perfection, la qualité extrême de ces grands crus, les vendanges se traitent parcelle par parcelle, ce qui veut dire que là où on traitait un grand cru avec 25 cuves, on le traite avec 75 cuves. Donc forcément, ce ne sont plus les mêmes espaces. Donc tous ces éléments techniques ont amené un certain nombre de grands crus à de toute façon devoir envisager la transformation de leur chai. La deuxième chose qui les a poussés à s'associer à ça, c'est le no-tourisme et les visites du monde entier qu'ils reçoivent de plus en plus depuis quelques années, depuis les années 95 à 2000, lorsque les grands crus de Bordeaux ont explosé un peu dans le monde entier. Et en termes d'image, et en termes de prix, et dans la qualité du produit aussi. Il y a aussi peut-être un élément qu'on ne peut pas omettre, Philippe Chais, c'est qu'on en parlait il y a quelques mois avec Isabelle Saporta, qui avait enquêté dans le Bordelais. Aujourd'hui, il faut un chai et il faut des infrastructures touristiques. Il faut qu'il soit à la pointe de la technologie et de l'accueil pour pouvoir avoir accès à ces catégories de crues, évidemment. C'est dans c'est mis dans le classement. Ça sert en tout cas à gagner des... Oui, enfin, uniquement pour la rive droite. Oui. Pour la rive gauche aussi, hein. Oui, la rive gauche aussi, oui. Mais ne renversons pas les choses. Quelle est la poule et quel est l'œuf, hein. Les grands crus de Bordeaux, ils se vendaient très très bien avant les chais monumentaux actuels. Et dans certains cas, je pense à Angélus, ils se vendent très très bien et les chais ont été refaits très discrètement. Là, c'est vraiment un choix de quelques hommes. De vraiment entrer dans le 21e siècle avec des signes architecturaux. Alors, le dernier à avoir intégré le cénacle de ces architectes et designers, c'est Philippe Starck, hein, qu'on connaît bien. Parlant de ce travail, il y voit une démonstration que le vin, plus qu'une simple boisson, est un objet culturel. Et qu'à ce titre-là, il lui faut le plus bel écrin. On peut dire ça. Il n'est pas le premier à le dire. Et je pense qu'à peu près depuis... depuis la fin de la Grèce ou le début de Rome, il y a des tas de gens qui ont dit la même chose. Dire que le vin est culturel est une telle évidence à qui réfléchit un tout petit peu et s'intéresse un peu à ça, et que le chai soit un écrin, ben oui, le chai est un écrin, le domaine est un écrin. Vous savez, quand vous vous promenez dans le Bordelais et que vous voyez ce que vous aviez il y a quelques instants, comme ces châteaux néoclassiques qui ont tous été construits sous Louis-Philippe, à l'époque, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à l'époque, les propriétaires qui ont fait ces jolis châteaux, ces jolies maisons, avec un style très proche du grand style de la Bourse à Bordeaux, ou du Grand Théâtre à Bordeaux, ils ont fait du marketing en grand. Alors vous... Et ça a très bien marché, puisqu'on en parle encore et qu'on les visite encore. Alors le mot marketing, il est apparu souvent dans notre interview depuis quelques minutes. C'est du marketing, quoi qu'on en dise. D'ailleurs, il y a pas mal de détracteurs. C'est pas un défaut, sauf qu'il y a quand même quelques voix. C'est pas du tout un défaut. Bien sûr, sauf que certaines voix s'élèvent quand même en disant que cette architecture chaude tend à détourner l'attention de l'important, le vin et peut-être de l'essentiel, la vigne. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, je trouve que c'est ridicule. Il faudrait que les consommateurs soient des imbéciles, ce qu'ils ne sont pas, en particulier ceux qui achètent des bouteilles au prix des bouteilles de Bordeaux et qui les adorent et qui les gardent et qui les travaillent. Renseignent et qui lisent et qui dégustent pour se faire impressionner par quoi que ce soit et que l'architecture leur fasse oublier ce qu'ils viennent faire. On peut ne pas aimer, on peut dire que tout ça est prétentieux, que ce serait mieux de rester sobre et tout, mais si dans l'architecture, mais si on dit ça, il faut détruire le bâtiment de Margaux, quoi. Parce que quand Margaux a fait Margaux au milieu du 19e siècle avec cette allée absolument extraordinaire de platane et cette colonnade somptueuse, c'était pour faire exactement la même chose. Alors, ça n'a pas empêché le monde entier de se passionner pour la qualité du vin de Margaux. Ce qu'on peut dire, c'est que le vin est un objet culturel, mais que la culture du vin n'a pas forcément besoin d'une cathédrale. Mais ça ne dénigre en rien la notion de cathédrale du vin. D'une cathédrale, c'est tout à fait clair. Comme d'ailleurs, aucune culture et aucune religion n'a besoin nécessairement de cathédrale. Sauf que pourquoi pas, voilà, on est d'accord. Puisqu'on parle de cathédrale, il y a le chai qu'on appelle le chai cathédrale du château Faugère à Saint-Émilion, qui a été créé par Mario Botta. C'est absolument sublimissime. Ça, c'est un pur plaisir pour les yeux avant les papilles. Absolument, et ça rejoint les cathédrales, puisque je cite la phrase de Mario Botta qui dit très très clairement, je n'aurais voulu faire dans ma vie que des cathédrales et des chais. Donc c'est exactement la synthèse de votre propos. Quels sont les chais qui vous ont le plus touché? On a tous en tête, même si on n'a jamais pu y aller, on a ce formidable chai qui a été imaginé par Christian Porzampac en 2011 pour le château Cheval Blanc à Saint-Émilion, qui est une espèce de vague qui surgit comme ça des vignes, qui est absolument exceptionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres chais comme ça qui méritent le détour si on va se balader dans le bord de lait, Philippe? Je pense que la Dominique, qui est juste à côté de lui, à Saint-Émilion, qui est du d'Agent Nouvelle, est un sujet intéressant de réflexion. C'est l'antithèse du chai de Porzampac. Le chai de Porzampac est totalement fluide, discret, qui essaye par ses proportions et sa hauteur de s'insérer en douceur dans le paysage. Et le chai de Nouvelle, qui est beaucoup plus brutal, entre guillemets, qui en plus rend un culte rouge, ce qui, dans une terre de vin rouge et de bord d'eau qui est tellement marquant que la région a donné son nom à une couleur. C'est quand même très intéressant la façon totalement différente dont deux de nos plus grands ou plus excellents architectes en France a traité, en plus à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre, les chais de façon très, très, très, très différente. Il y a aussi Philippe Stark, on vient d'en parler, qui s'est associé à l'architecte Luc Arsène Henry pour le chai du château des Carmes au Brion. Là, on a l'impression d'avoir affaire à une coque de bateau renversée. C'est exceptionnel, Absolument, absolument. Je n'ai pas eu l'occasion de le visiter encore, puisque je l'ai vu en chantier et il n'était pas fini. Ouais. Mais je pense que... Donc je n'ai pas pu le mettre dans le livre. Mais si on fait un tome 2... figurera évidemment. Il y sera. En tous les cas, c'est vrai que aller goûter ces grands crus, bon, c'est peut-être pas à la portée de toutes les bourses. Il faut goûter ça en une revanche, fois dans sa vie. Oui. Regardez, visiter, ça, oui. C'est jouable pour tout le monde. Donc une très très belle balade œnologique dans ces vignobles du Bordelais, dans cet ouvrage qui est un très très bel ouvrage, Wine by Design, l'architecture au service du vin par vous, Philippe Chey. On peut pas se tromper au niveau du nom. Voilà. Et c'est publié aux éditions Flammarion. Philippe, vous revenez quand vous voulez pour le tome numéro 2. Hein. Avec plaisir. Merci. Voilà Carlo, il est l'heure pour nous de prendre congé de nos amis. C'est passé vite hein, ce matin. Toujours la vous êtes encore en train de manger les baguettes d'Eric Kayser qui est dans le pain au noix. Le pain au noix. Ah, c'est magnifique. Hein. Voilà, je vous rappelle que toutes les recettes que nous a données Eric Kayser se retrouvent sur le site lapremière.be, que vous le retrouvez désormais aussi en Belgique. La semaine prochaine, Carlo rencontre avec un très très grand chef, Régis Marcon. Oui. Pas Macron, faut que je fasse Macron, gaffe. Auteur d'un ouvrage sur les herbes aromatiques. On pourrait d'ailleurs mettre du pain avec des bonnes herbes, hein, ça peut être très chouette. Et nous parlerons aussi d'un fromage de saison avec un grand fromager affineur. On parlera du Vacherin Mont d'Or. Et on aura même l'occasion de parler du mascarpone. Ah, peu de gens savent. Ouais. Ça existe en vrai aussi. Oui, ça bah oui. Ça pas qu'en exactement. Industriel. On en parlera la semaine prochaine. À suivre la météo, les infos et transversal, tout ça sur la première. Merci beaucoup et très bon samedi à tous. La première. Avis aux gourmets, jusqu'au 16 octobre, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. C'est donc le bon moment pour faire le plein de produits à moins 30%, comme les tartares de Saint-Jacques, le foie gras ou encore la tarte aux framboises. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be. Picard, chaque jour un goût nouveau. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise ? Moi oui, une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.eu. La première présente... Attends, qu'est-ce que tu fais là ? Ben, non, rien. Arrête, tu jettes les feuilles des carottes ? Non, mais ça va pas. C'est parce que je pense... Allez, hop, passe-les-moi. Je vais en faire une soupe de dingue. Tu vas voir. Vous aussi devenez acteur de la Good Food à Bruxelles en quelques gestes simples. Rendez-vous sur www.goodfood.brussels. Bruxelles Environnement. La première, La 3 et BNP Paribas Fortis présentent la 31e édition du Festival international du film francophone de Namur. Fiction, documentaire et animation, plus de 140 films touchants, forts et audacieux. Du 30 septembre au 6 octobre, faites le plein d'émotions au FIF. Info, fif.be. Avec TV5, l'avenir, le soir et la loterie nationale. Claire était bizarre. Elle ne pouvait plus tenir sa tasse. Des difficultés à parler, sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Lors de mon AVC, chaque minute a compté. Si un de ces signes apparaît, agissez. Appelez sans délai votre médecin traitant ou le 112. Découvrez d'autres témoignages sur délaiavc.eu avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. La première et la trois présentes, Picasso, Matisse, Braque, Léger. Une expo exceptionnelle. 70 chefs-d'œuvre de l'art moderne réunis autour de Paul Rosenberg, leur marchand et ami. Pris dans la tourmente du XXe siècle. 21 rue La Boétie. À voir et à vivre à la Boverie, Liège. Avec la ville de Liège et le soir. Ce mois-ci, le magazine Gaël découvre une Nadja Labib inattendue. Derrière l'ex-envoyée spéciale en Afghanistan et la présentatrice du JT de la RTBF, bouillonne une femme intuitive, ouverte, qui adore l'imprévu. Nadja est toujours où on ne l'attend pas. À découvrir ce mois-ci dans Gaël. Vous avez tout pour vous. Et c'est l'ingénieure Sarah qui va construire le plus long pont du monde pour tous les trains. Ingénieure au chemin de fer. Hier, ton rêve. Aujourd'hui, ton job. Rejoins-nous via leschemindeferengage.be. Tong, tong, tong. J'ai presque fini. première. Météo. Très belle journée à toutes et tous. Cet après-midi, de nouvelles averses vont arriver sur le pays par le littoral. Elles vont avancer vers le centre au fil des heures. Par contre, le temps redeviendra généralement sec et plus ensoleillé cet après-midi sur l'est et le sud du pays, avec des températures comprises entre 14 degrés sur les hauteurs et 16 à 19 degrés partout ailleurs. Demain, on retrouvera un temps variable sous un ciel bien chargé, une matinée plutôt sec, sauf en bord de mer. Par contre, l'après-midi, les averses vont s'étendre à toutes les régions. Le vent va lui se renforcer et les températures oscilleront demain entre 13 et 17 degrés. Aussi résistantes au soleil qu'à la pluie, les fenêtres WIB se fichent de la météo. WIB.eu. La première. RTBF, il est midi. Marie Bourguignon avec vous, bonjour à tous. Le plus grand hôpital de la partie rebelle d'Alep en Syrie a à nouveau été bombardé. C'était déjà le cas mercredi. Il vient d'être frappé par deux barils d'explosifs. Le régime continue sa progression dans la ville syrienne, aidé par l'armée russe. Hier, les cinq pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont entamé un débat sur un projet de résolution français, et ce, en vue d'établir un nouveau cessez-le-feu. Une tâche difficile, car les relations entre Moscou et Washington sont très tendues. Cuba, la Jamaïque et Hawaï sont en état d'alerte. L'ouragan Matthew menace la région. Il pourrait être le plus violent cyclone tropical à toucher les Caraïbes depuis 2012. Des vents sont susceptibles de souffler jusqu'à près de 260 km/h. Il pourrait provoquer d'importants dégâts. La mission belge princière aux Philippines pourrait ne pas avoir lieu. C'est en tout cas ce que souhaite la région bruxelloise, qui envisage de réclamer une annulation de cette mission. En cause, les nombreux dérapages du président philippin Rodrigo Duterte. En septembre, il insultait violemment le président américain Barack Obama. Hier, il a tenu des propos particulièrement choquants lors d'une conférence de presse, allant jusqu'à dire, je cite, que si Hitler a tué 3 millions de juifs, lui, il massacrerait bien les 3 millions de drogués de son pays. Pour Cécile Jodogne, la secrétaire d'État bruxelloise au commerce extérieur, il a été trop loin. Les dernières déclarations du président philippin qui sont totalement inacceptables, et par ailleurs l'escalade dans les déclarations et les appels à la violence que ce président donne au peuple depuis maintenant quelques mois. Ces déclarations m'ont amené à me dire, est-ce qu'il est vraiment raisonnable de maintenir la mission économique aux Philippines en mai 2017 ? Et donc j'ai souhaité solliciter une réunion d'urgence au niveau des partenaires régionaux et le fédéral pour rediscuter de cette mission. Cécile Jodogne au micro de Véronique Fievé. Une nouvelle polémique dans le dossier du nucléaire. La ministre de l'énergie Marie-Christine Marguem est à nouveau pointée du doigt. Selon le parti écolo, la prolongation des centrales nucléaires de Tihange 1, Doule 1 et Doule 2 pourrait être illégale. C'est en tout cas ce que la Commission européenne aurait fait savoir à l'État belge. Ce qui pose problème notamment, ce sont les potentielles indemnisations que l'État devrait payer à Electrabel et EDF en cas d'arrêt anticipé de Doule 1 et 2. La ministre de l'énergie dément ces informations. Elle parle de manipulation. Du sport, il y a du football au programme ce week-end, suite de la 9e journée de Pro League ce soir. Charleroi se déplace à Zultenbrugge à 18h. Dans le bas du classement, à 20h, Eupen reçoit Moucron et Westerlo accueille Westland Beveren. Enfin, à 20h30, Lokeren affronte Courtrai. Demain, dimanche, place au Classico Standard Anderlecht. Merci de nous écouter. Très beau temps de midi. Toute l'info est sur rtbf.be. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure à 19h. Afrique Hebdo, Rislaine Kunda. L'esclavage en Mauritanie est une coutume bien ancrée dans la société. Comment expliquer la persévérance de cette pratique? Le mouvement IRA Mauritanie, vous l'entendrez, se bat pour l'abolir. 9 ans de prison pour avoir détruit des monuments historiques à Tombouctou, c'est le verdict de la Cour pénale internationale à l'encontre d'un djihadiste. Qu'en pensent les Maliens? Analyse et reportage à Bamako. Afrique Hebdo, de 19h à 19h30 sur la première. Et 24h sur 24 sur RTBF Ovio. Maintenant chez Bellisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 euro. Oui, 1 euro. Passez chez Bellisol avant le 2 octobre. Bellisol. Plus d'infos sur bellisol.be. Слава народу победителю. J'entame cette nouvelle année plein d'espoir. I will do everything in my power. qu'on fera incontestablement dans le centre droit. L'acte d'accusation est lourd. Mettez de l'ordre dans votre gouvernement, monsieur le Premier ministre. La première. Midi 13h, le samedi. Transversal. Avec Olivier Nederland. Bonjour à tous et bienvenue. Nous vous proposons ce midi un voyage en mer. Un voyage en direction du nord, en direction de l'Arctique. Nous allons dans un instant embarquer à bord de l'Arctic Sunrise. C'est un bateau de Greenpeace. Il s'est récemment rendu en mer de Barents, au nord de la Norvège, histoire de voir comment se comportent les pêcheurs dans cette région. Parce que là-bas, les glaces fondent de plus en plus vite.